إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on continue dans l'explication et la lecture de cette conférence du Cheikh Saleh Al-Fawzan, وجوب التثبت في الأخبار واحترام العلماء وبيان مكانتهم في الأمة. Et on est arrivé donc à la quatrième partie de la lecture. Le Cheikh est toujours dans l'explication du verset إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. Ô vous qui avez cru, si un pervers vous vient avec une information, alors vérifiez cette information. Et il explique تعريف الفاسق ومفهومه عند أهل السنة. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est la définition du fasiq selon la compréhension de Ahl al-Sunnah wal-Jama'a. Le Cheikh dit al-fasiq ma'nahu al-kharij 'an ta'atillah. لأن الفسق في اللغة هو الخروج عن طاعة الله. والفاسق عند أهل السنة والجماعة هو من ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب دون الشرك. فهو يسمى فاسقا ساقط العدالة لا تقبل شهادته ولا يقبل خبره. Donc le Cheikh explique que al-fasiq en arabe ça signifie celui qui sort de l'obéissance. Celui qui sort de l'obéissance, en particulier c'est l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc le fasiq selon la compréhension de Ahlus Sunnati wal Jama'a, c'est celui qui a commis un grand péché parmi les grands péchés, moindre que le shirk. Celui qui commet un grand péché parmi les grands péchés et qui est moindre que le shirk, celui-là on l'appelle fasiq. Et il est saqitul adala. Saqitul adala. C'est-à-dire que il n'est pas une personne considérée comme étant une personne juste et honnête, fiable. C'est pas une personne qui est considérée comme étant une personne juste et on n'accepte pas le témoignage que cette personne-là va porter. C'est-à-dire que si cette personne est appelée à témoigner en cour, hein, au tribunal, que le juge lui demande de témoigner ou appelle cette personne-là à témoigner comme un témoin, eh bien, son témoin ne sera pas valable, ne sera pas accepté parce que, hein, il a perdu sa légitimité comme en tant que témoin à cause du grand péché qu'il a commis. À cause du grand péché qu'il a commis. La tuqbal shahadatuhu. Donc on n'acceptera pas son témoignage et on ne va pas non plus accepter son information. L'information qu'il donne. Naam. Donc il dit wa huwa laysa bi kafir. بل هو مؤمن ولكنه ناقص الإيمان لا تقبل شهادته ولا يعتبر عدلا حتى يتوب إلى الله عز وجل. Le cheikh il dit wa huwa laysa bikafirin bal huwa mu'minun walakinahu naqisul iman la tuqbal shahadatuhu wa la yu'tabaru adlan hatta yatub ila Allah azza wa jal mimma irtakaba thumma ta'udu ilayhi al'adala كما قال سبحانه وتعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. Donc le cheikh il dit que le fasiq, il n'est pas kafir, il n'a pas quitté la foi, il n'a pas quitté l'islam, il est toujours croyant. Celui qui a commis un grand péché, il est toujours musulman. Il ne sort pas de l'islam à cause du fait qu'il a commis un grand péché, tant que ce péché-là n'est pas un shirk majeur, hein, ou un kufr majeur. Donc il est toujours musulman et par contre il a une foi qui est faible. Sa foi, elle est diminuée à cause de ce grand péché-là. Et son témoignage ne sera pas pris en considération parce qu'il n'est pas une personne reconnue comme étant une personne juste. Jusqu'à ce qu'il se repente à Allah subhanahu wa ta'ala de ce qu'il a commis comme péché. Alors, du moment qu'il s'est repenti à Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, là, le fait qu'il soit juste ou honnête, eh bien cette caractéristique-là lui est redonnée par la suite parce qu'il s'est repenti à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si quelqu'un par exemple il est connu comme étant quelqu'un qui commet le zina, eh bien c'est quelqu'un qui est toujours musulman, sa foi est, c'est, par contre il a une foi faible, et puis on va dire de lui qu'il est un zani, quelqu'un qui commet le zina. Donc c'est un fasiq, celui-là. Et son témoignage ne sera pas accepté s'il va être appelé à témoigner en cour dans un tribunal islamique. Toutefois, s'il s'est repenti à Allah d'une repentance sincère et qu'il s'est réformé, qu'il a cessé de commettre zina, qu'il est devenu un bon musulman par la suite, eh bien là, il redevient quelqu'un de fiable et d'honnête, quelqu'un qu'on peut considéré comme étant quelqu'un qui a le droit de témoigner, par exemple, dans des situations comme ça. Parce que parfois, les gens ont tendance à penser que si quelqu'un a commis un grand péché ou qu'il a été fasiq à un moment de sa vie et qu'il s'est repenti, eh bien, il y en a qui continuent à lui parler de ce péché-là, même après qu'il se soit repenti, et à lui rappeler de ce genre de choses-là, alors qu'il s'est repenti. Et ça, c'est incorrect. Du moins que la personne est revenue à la droiture et à la pratique correcte de l'islam et qu'il s'est repenti de ce péché-là, donc on oublie qu'est-ce qu'il a fait, dans le sens qu'on ne va pas le considérer comme étant toute sa vie un fasiq parce qu'il a été à un moment donné. Ça c'est mentionné comme c'est clarifié dans le verset que le cheikh il mentionne, le verset 4 et 5 dans Surat An-Nur. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans ce verset-là que ceux qui accusent les femmes chastes d'avoir commis une turpitude ou un péché comme le zina ou autre et qu'ils n'ont pas produit 4 témoins, alors Allah subhanahu wa ta'ala il ordonne de les flageller, de les fouetter de 80 coups de fouet. 80 coups de fouet, pourquoi? Parce qu'ils ont accusé une femme chaste d'avoir commis le zina sans avoir produit de témoins. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala il dit et n'acceptez pas par la suite leurs témoignages. Ceux-là sont les pervers, ceux-là sont les fasiqoun. Donc ça nous montre la gravité du fait d'accuser quelqu'un de quelque chose sans preuve. Et en particulier le zina. Une femme chaste, tu l'accuses de zina. Ça c'est grave. Et la personne qui propage ces rumeurs-là ou ces paroles-là à propos d'une femme, et l'accuse de zina, alors que c'est une femme chaste, eh bien, une fois que cette rumeur-là commence à se propager dans la société, qu'est-ce qui arrive? Cette femme-là, sa réputation est complètement ruiné par la suite. Et c'est difficile de, par la suite, de, comment on pourrait dire, repousser cette rumeur ou de corriger ou rectifier cette fausse rumeur par la suite. C'est pour ça que dans la charia, il y a une punition si sévère pour quelqu'un qui fait quelque chose comme ça. Hein? Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset ensuite, le verset 5, « Excepté ceux qui se sont repentis après cela et qui ont corrigé le mal qu'ils avaient fait. Hein? » Et certes, Allah est pardonneur et miséricordieux. Le cheikh il dit ensuite, « ولهذا كان علماء المسلمين وعلماء الرواية لا يقبلون الرواية إلا ممن توفرت فيه شروط العدالة والضبط والإتقان. » فهم لا يقبلون الرواية من المجروح أو المجهول مجهول الحال وهذا من باب التثبت في أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم. Il dit le cheikh que c'est pour cette raison là que les ulama, hein, les ulama, les savants de l'islam, les savants du hadith en particulier, ils n'acceptaient pas la narration de quelqu'un, excepté si cette personne-là respectait certaines conditions, hein, qu'ils étaient justes, qu'ils étaient quelqu'un qui avait une mémoire, qui était une mémoire forte, et qu'ils maîtrisaient qu'est-ce qu'ils avaient mémorisé, qu'ils le mémorisaient et qu'ils maîtrisaient la narration de ces hadiths-là. Ils n'acceptaient pas la narration de quelqu'un qui est majrouh, c'est-à-dire qui a été mentionné comme étant une personne qui, par exemple, a une mémoire faible, ou bien quelqu'un qui a commis des actes de fisq, hein, ou bien quelqu'un qui a une bid'a et qui appelle à une bid'a, ou des choses de ce genre. Tout ça, ça fait partie des choses qui font que la personne ne va pas accepter de lui qu'est-ce qu'il a rapporté parmi les hadiths. Ou bien une personne dont on ignore l'état. Majhoulul hal. Donc, ça veut dire que quelqu'un qui rapporte un hadith et on ne sait pas qui il est, on ne sait pas son état, eh bien, on n'accepte pas sa narration. On n'accepte pas qu'est-ce qu'il a rapporté dans la religion. Et tout ça, le but de ça, c'est quoi? C'est de faire en sorte qu'on soit méticuleux et qu'on vérifie correctement les informations qui sont rapportées du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour protéger l'islam, pour protéger la sunna. Et ça, c'est la situation de cette umma. Le cheikh dit, « Wa hadha sha'nu hadhihi al-umma, at-tathabbut fi al-riwaya, wa at-tathabbut fi al-mukhbirin, li'anna al-mukhbir qad yakunu fasiqan, la yahumuhu al-sidq, ou qad yakunu kafiran, la yuridu al-iqa' bayna al-muslimin, ou munafiqan. أو يكون رجلا صالحا ولكن فيه نزعة التسرع والشدة أو شدة الغيرة فيبادر بالأخبار قبل أن يتثبت فالواجب علينا أن نتثبت من الخبر حتى ولو كان الذي جاء به من الصالحين وهذا في حق من يبلغنا عن الجماعات Donc le cheikh il explique que donc ça c'est la situation de cette umma, la vérification dans les questions qui ont rapport avec la narration, de vérifier les personnes qui nous transmettent l'information, à savoir que ce ne sont pas des pervers, ce ne sont pas des pécheurs, des gens qui font des kaba'ir, parce que en général ces gens là ils n'ont pas d'intérêt à vérifier l'information ou à être véridique ou à être sincère. Hein? Ou bien, ça se peut que cette personne-là soit un kafir aussi, qui veulent juste créer des problèmes entre les musulmans. Ou bien, un munafiq, un hypocrite, qui veut créer des problèmes. Ou bien, ça se peut que ce soit une personne qui est pieuse, une personne qui est pieuse, mais qui se précipite trop, hein, ou qui a une jalousie tellement élevé, un sens de l'honneur très développé et qui le pousse à aller trop vite et à transmettre des informations avant de vérifier est-ce que ces informations-là sont correctes ou non. Et donc c'est important de vérifier l'information même si cette information-là vient de la part des gens qui sont pieux ou vertueux. Et il dit, et ça c'est dans le contexte de qu'est-ce qui nous est transmis à propos des groupes de personnes parmi les musulmans ou des différentes tribus, comme on a mentionné dans le sabab, la cause de la révélation du verset dont on a parlé tout à l'heure. Et ensuite le cheikh il mentionne, il dit ensuite وَكَذَلِكَ بِالنِّسْبَةِ فِي حَقِّ الْأَفْرَادِ يقول الله سبحانه وتعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامِ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمَ كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. Donc le cheikh explique que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 94 dans sourate An-Nisa: ô vous qui avez cru, lorsque vous partez dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala sur la terre, vérifiez et ne dites pas à la personne qui vous donne le salam: tu n'es pas croyant, hein, recherchant une part de la vie d'ici-bas, parce que auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala il y a beaucoup de richesses et de biens, et vous étiez ainsi auparavant, mais Allah subhanahu wa ta'ala vous a fait a mis sur vous sa faveur. Alors vérifiez l'information, et Allah subhanahu wa ta'ala est certes connaissant de ce que vous faites. Le cheikh explique la cause de la révélation de ce verset-là. هذه الآية نزلت بسبب أن جماعة من الصحابة خرجوا للجهاد فالتقوا براعي غنيمة يرعى غنمه فلما رآهم قال لهم السلام عليكم ولكنهم لم يقبلوا منه السلام وقتلوه وأخذوا غنيمته نعم براعي غنيمة فأخذوا غنيمته وظنوا أنه لما إنما ألقى السلام إنما ألقى إليهم السلام من أجل أن يتستر على نفسه وأن يسلم على دمه وغنمه وأنه ما ألقى عليهم السلام لأنه مسلم وإنما قال هذا من باب التستر فالله جل وعلا عتبهم على ذلك وقال يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله يعني سافرتم للجهاد فتبينوا يعني تثبتوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا وما الذي يدريكم أنه ليس مؤمنا ما دام أنه أظهر الإيمان وأظهر الإسلام وسلم بتحية الإسلام فالواجب أن تتثبتوا ولا تتعجلوا عليه بالحكم وتقولون لست مؤمنا فما الذي أدراكم أنه ليس بمؤمن هل شققتم عن قلبه هذا التسرع لا يقره الله سبحانه وتعالى حتى من أفضل خلقه بعد الأنبياء وهم الصحابة رضوان الله عليهم لما تسرعوا عاتبهم الله. Donc le cheikh il dit ce verset 94 dans sourate An-Nisa, il a été révélé à propos d'un groupe d'entre les sahaba qui sont sortis pour le jihad. Et lorsqu'ils ont rencontré un homme qui faisait pâtre ses moutons, lorsque ce berger les a vus, il leur a dit « Assalamu alaikum ». Mais eux, ils n'ont pas accepté de sa part ce salam. Et ils l'ont tué. Et ils ont pris ses moutons. Ils ont cru que cette personne avait uniquement donné le salam dans le but de se préserver lui-même. Hein, et de se cacher. En voulant dire « protéger son sang, ses biens » et ainsi de suite. Donc il leur a dit « Salam ». En croyant qu'il n'était pas musulman pour de vrai. Et il a juste fait ça pour se camoufler. Et cette histoire, ça ressemble à l'histoire de qu'est-ce qui est arrivé à un des sahaba lorsqu'il était dans le combat, et puis que un des mouchriquins a dit « Ashhadu an la ilaha illallah ». Je témoigne que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. Puis ce sahabi, il a frappé de son épée, puis il l'a tué, malgré que la personne avait fait le shahada. Et lorsque le prophète a appris ça, il était en colère et il a blâmé le sahabi qui avait fait cette chose-là. Donc, c'est quelque chose dans le même sens, c'est proche de ce sens-là. Le cheikh, il explique le verset, il mentionne que Allah subhanahu wa ta'ala a blâmé les sahaba qui ont fait cette chose-là. Et il a dit, ô vous qui avez cru, lorsque vous partez dans le sentier d'Allah, c'est-à-dire vous voyagez pour faire le djihad, eh bien, vérifiez. Hein, vérifiez. Et ne dites pas à la personne qui vous, dit, qui vous donne le salam, tu n'es pas croyant. Cheikh, il dit, qu'est-ce qui vous a dit? Qu'est-ce qui vous dit que cette personne n'est pas croyante? Du moment que la personne a montré dans les signes apparents qu'il fait partie des musulmans, il vous a salué avec le salut de l'islam, alors il est obligatoire pour vous, hein, par la suite, de vérifier la situation et de ne pas vous précipiter à juger. Et de dire, par exemple, il n'est pas croyant. Comment avez-vous su qu'il n'était pas croyant? Est-ce que vous avez ouvert son cœur pour vérifier? Hein? Donc, le fait de se précipiter de cette façon, ça, c'est quelque chose que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas accepté, n'a pas approuvé. Et même si c'était de la part des meilleures créatures après les prophètes d'Allah, c'est-à-dire les sahaba, que Allah soit satisfait d'eux. Lorsqu'ils se sont précipités, Allah subhanahu wa ta'ala les a blâmés. Le cheikh, il dit ensuite, « هَذِهِ قَاعِدَةٌ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ إِلَىٰ أَنْ تَقُومَ السَّاعَةِ أَنَّهُمْ لَا يَتَسَرَّعُونَ فِي الْأُمُورِ وَالْأَحْكَامِ وَلَا يَحْكُمُونَ عَلَى الْإِنسَانِ أَنَّهُ لَيْسَ بِمُسْلِمِ إِذَا أَظْهَرَ الْإِسْلَامِ مَنِ الَّذِي يَدْرِي الله هو الذي يعلم أما نحن فليس لنا إلا الظاهر فمن أظهر لنا الخير تقبلناه منه ومن نكل باطن أمره ونكل باطن أمره إلى الله عز وجل ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا فعلوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. Le cheikh, il dit, c'est une règle qu'on ne doit pas se précipiter dans les questions de ce genre. Et c'est une règle que la Ummah doit suivre jusqu'au jour de la résurrection, jusqu'à l'heure du jugement dernier. De ne pas se précipiter dans les questions de verdict et de jugement, et de juger une personne comme le fait de dire que cette personne n'est pas musulmane alors qu'elle montre en apparence les signes de l'islam. Qui nous dit donc que cette personne-là n'est pas musulmane alors qu'elle nous montre qu'elle est musulmane? Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui connaît la réalité à ce sujet-là, mais nous, on n'a rien d'autre que qu'est-ce qui est apparent. C'est-à-dire qu'on doit se baser sur qu'est-ce qui est apparent. C'est tout. La réalité de ce qui est dans le cœur des personnes, on ne le sait pas. Hein? Et c'est pour ça qu'on ne peut pas savoir qui est un munafiq et qui est un muslim. Parce que, en apparence, il nous montre qu'il est musulman. Et nous, on le considère comme étant un musulman du moment qu'il ne montre pas son coffre. Hein? Et il dit donc, quiconque nous montre le bien, on l'accepte de sa part. Et qu'est-ce qu'il a à l'intérieur de lui-même? On le laisse pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui sait qu'est-ce qu'il y a dans son cœur. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, j'ai été ordonné ou commandé par Allah subhanahu wa ta'ala de combattre les hommes jusqu'à ce qu'ils disent que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. Lorsqu'ils ont dit que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, ils seront protégés dans leur bien et dans leur sein contre moi. Excepté pour un des droits de la ilaha illallah, comme la zakat, la salat, les choses de ce genre, et leur jugement sera à Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Le cheikh, il dit, « فَلَا يُحْكَمُ عَلَى مَنْ أَظْهَرَ الْإِسْلَامِ أَنَّهُ لَيْسَ مُسْلِمًا إِلَّا إِذَا تَبَيَّنَ مِنْهُ مَا يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ صِحَّةِ إِسْلَامِهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ يَقْتَضِي الرِّدَّةِ عَنِ الْإِسْلَامِ وَقِيلَ إِنَّ هَذِهِ الْآيَةِ نَزَلَتْ فِي شَأْنِ أُسَامَةِ بِنْ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَعَنْ أَبِيهِ وَذَلِكَ أَنَّ أُسَامَةَ طلب رجلا من الكفار ليقتله فلما أدركه قال الكافر أشهد أن لا إله إلا الله ولكن أسامة رضي الله عنه تسرع فقتله. بعدما قال لا إله إلا الله. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أنكر عليه وشدد الإنكار وقال له أتقتله بعدما قال لا إله إلا الله وما زال يكررها. فقال يا رسول الله إنما قالها يتستر بها أو يتقي بها السيف. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم هل شققت عن قلبه؟ فما زال يكررها ويقول أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ وماذا تفعل بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ فعند ذلك ندم أسامة ندما شديدا وقال تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. Donc le cheikh il explique que on doit juger par qu'est-ce qui est apparent. Hein? On ne peut pas juger de la personne qui montre qu'il est musulman, d'une personne qui montre qu'elle est musulmane, on ne peut pas juger ou dire qu'elle n'est pas musulmane, excepté si on voit de façon claire, yani quelque chose qui montre que son islam n'est pas correct. Excepté si on voit de façon claire que son islam n'est pas correct par une parole ou par une action qui implique l'apostasie, c'est-à-dire qu'elle a quitté l'islam. Et certains ont mentionné que ce verset, il est révélé au sujet de Usama ibn Zayd, radiyallahu anhu, wa radiya an abihi, qu'Allah soit satisfait de lui et de son père. Il dit que c'est lorsque Usama, comme je vous ai mentionné, tout à l'heure l'histoire sans mentionner qui était ce sahabi, mais ici le cheikh il le mentionne, c'est Usama lorsqu'il était dans le combat et qu'il a rencontré un kafir et que le kafir a dit la ilaha illallah. Et malgré tout il l'a tué après qu'il ait dit la ilaha illallah. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a su ça, hein, il a été en colère et il l'a critiqué sévèrement d'avoir fait ça. Il lui a dit, est-ce que tu l'as tué après que cette personne ait dit la ilaha illallah, que rien ne mérite d'être adoré, excepté Allah? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a continué à répéter cette question, à Usama. Hein? Et Usama a dit, mais il l'a dit seulement pour se protéger. Il l'a dit seulement parce qu'il a vu mon épée, il voulait se protéger de mon épée. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, est-ce que tu as ouvert son cœur pour savoir? Hein? Subhanallah. Alors il continue à répéter. Est-ce que tu l'as tué après qu'il ait dit rien ne mérite d'être adoré excepté Allah? Et il lui dit aussi, qu'est-ce que tu vas faire au jour de la résurrection avec la ilaha illallah? Lorsque la ilaha illallah va venir, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Hein? Et donc à ce moment-là, Usama a eu un grand remords. Hein? Et il a dit, j'aurais souhaité ce jour-là que je n'avais pas accepté l'islam avant ça. C'est-à-dire qu'il avait souhaité que c'était à ce moment-là qu'il a accepté l'islam seulement. Hein, pour faire en sorte que, comme si pour dire qu'il n'aurait pas commis cet acte-là dans l'islam. Il n'aurait jamais fait cette action-là. C'est dans ce sens-là. Donc le cheikh dit, وَهَذَا دَرْسٌ عَظِيمٌ لِلْأُمَّةِ بأنهم لا يتسرعون في الأمور حتى يتثبتوا وحتى يتبين لهم الحق. Donc ça c'est des questions qui ont rapport à des jugements et des verdicts, et il est interdit à la Ummah dans ces questions-là de se précipiter et de faire des verdicts ou de juger les gens jusqu'à ce qu'ils aient vérifié les choses comme il faut et qu'ils aient clarifié la vérité à ce sujet-là. Il dit أما التسرع دائما فإنه يؤدي إلى الندم وإلى ما لا تحمد عقباه وهذا بالنسبة للدماء وكذلك بالنسبة لأعراض المسلمين لا يجوز لنا أن نتسرع في قبول الشائعات وقبول الأخبار الكاذبة ولهذا يقول سبحانه في حادث الإفك الذي قصه الله سبحانه وتعالى علينا في كتابه لما اتهم المنافقون عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها مما برأها الله سبحانه وتعالى منه قال الله سبحانه وتعالى لولا إذا سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. وإلى قوله تعالى ولولا إذا سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. Donc le cheikh il dit que donc de se précipiter à chaque fois dans ce genre de choses, ça c'est quelque chose qui amène au remords et à des choses dont la conclusion n'est pas louable. Et ça c'est en ce qui concerne le saint. Hein? Alors ça c'est un exemple, mais il y a aussi par exemple le cas de l'honneur des musulmans. Le cas de l'honneur des musulmans. Et il n'est pas permis dans ces choses-là également de se précipiter à accepter les rumeurs et les informations mensongères dans ce genre de choses-là. Parce que ces rumeurs et ces informations mensongères peuvent avoir des conséquences néfastes et désastreuses. Et c'est pour ça que on a comme exemple à ce sujet-là, il y a un événement qu'on appelle, l'histoire de Al-Ifk. En arabe, on dit Al-Ifk. Yani la calomnie et le mensonge. Que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans son livre, Surat An-Nur. Et c'est pour vous montrer l'importance et la gravité de cette histoire, que tellement que c'était sérieux, Allah subhanahu wa ta'ala en a parlé dans sa révélation et dans son livre. Et c'est lorsque les munafiqoun ont accusé Aïcha, Umm al-Mu'minin, radiallahu anha, de ce dont Allah l'a innocenté. Hein? Ils l'ont accusé de ce dont Allah l'a innocenté. C'est l'histoire lorsque Aïcha radiallahu anha était partie dans une expédition avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et que elle était restée derrière pour chercher son bracelet et que les gens sont partis et l'ont laissé derrière, ils n'ont pas réalisé que sa monture était vide. Alors par la suite il y a un sahabi qui restait derrière pour suivre le campement, vérifier sur le campement pour voir si rien n'était resté. Et il a trouvé Aïcha radiallahu anha endormie par terre. Et donc, il l'a pris avec elle et il l'a ramené avec le reste de la caravane. Donc, les munafiqoun ont commencé à inventer des histoires et à accuser Aïcha radiallahu anha de turpitude et des choses de ce genre. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala a répondu à ces accusations-là au sujet de la mère des croyants. Dans les versets 12 et 13 dans Surat An-Nur et les versets 16 et 17 et il y en a dans plusieurs versets dans le début de Surat An-Nur, la lumière. Et par exemple Allah subhanahu wa ta'ala, il dit pourquoi lorsque vous aviez entendu cette information-là les croyants et les croyantes n'ont-ils pas pensé du bien en eux-mêmes? Et n'ont-ils pas dit, ceci est un mensonge évident? Et ensuite, il dit, Laula ja'u alayhi bi arba'ati shuhada. Pourquoi ne sont-ils pas venus avec 4 témoins? Et du moment qu'ils ne viennent pas avec les témoins, alors ceux-là sont les menteurs auprès d'Allah. Et ensuite, plus loin dans cette sourate, le verset 16 et 17, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, et pourquoi lorsque vous entendiez ces propos, ce mensonge, vous n'aviez pas dit, il ne nous convient pas de parler ou de dire ce genre de paroles, et que gloire à toi ou bien que tu sois purifié, ceci est une grande calomnie, une énorme calomnie. Et Allah subhanahu wa ta'ala vous exhorte de ne jamais retourner à rien de semblable. Hein, de ne jamais retourner à rien de semblable si vous êtes croyant. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala a blâmé ceux qui ont diffusé cette information-là et propagé cette information-là. Hein, et qui n'ont pas tout de suite rejeté au moment où ils l'ont entendu cette information-là. Puisque c'est des gens qui parlent et disent, ils accusent des gens comme ça sans avoir de preuves. Ils n'étaient pas là, ils n'ont rien vu, et ils ont imaginé des choses et ils ont propagé ça. Parce que c'est des gens qui ont un cœur malade. Ce sont les hypocrites qui ont propagé ces choses-là. Et le but d'avoir propagé ce genre de mensonges-là, c'est de faire du tort au prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Puisqu'ils savent très bien que s'ils sont capables d'accuser les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire des péchés et des turpitudes, eh bien ça revient à une attaque et une accusation contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même. Le cheikh il dit « Al-aslu fil muslim al-adala wa al-aslu fil muslim al-nazaha fala natasarra'u iza ramahu ahadun bisou ou birtikab al-fahisha la natasarra'u biqabouli thalika bal natathabbatu ghayat al-tathabbut » Donc le cheikh il dit que l'origine ou la base pour le musulman, c'est qu'il soit juste et honnête. Et la base chez le musulman, c'est la propreté et le fait d'être éloigné des choses mauvaises. Et donc, on ne doit pas se précipiter d'accuser quiconque de quelque chose de mauvais ou d'avoir commis une turpitude. Et on ne doit pas non plus se précipiter d'accepter ça de la part de quelqu'un. Il faut vérifier à l'extrême pour être certain que cette information-là est correcte et vraie. Et au sujet de cette information, au sujet de ce point-là par rapport à l'adala, le fait que le musulman, à la base, il est honnête, il faut clarifier aussi à propos de cette parole-là, parce qu'il y a des ulama, comme Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah et d'autres, qui ont clarifié que c'est pas vrai que la base pour le musulman, c'est qu'il est honnête et juste ou fiable. Et il mentionne même que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit à propos de l'homme qu'il est ignorant et injuste. Innahu kana zaluman jahula. L'homme est ignorant et injuste. Ou injuste et ignorant. Donc, si on parle des sahaba, ça c'est la base. C'est clair que c'est des gens qui étaient honnêtes et qu'ils sont tous justes. Hein, et qu'on prend d'eux. Qu'est-ce qu'ils disent? Parce qu'ils sont connus. Et Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné à leur sujet qu'ils sont comme ça. Hein? Et il leur a fait la tazkiyah dans son livre. Donc ça, c'est clair. Mais, par contre, qu'est-ce qu'on sait par rapport à des situations où on voit des gens dans une société qui sont tout mélangés? Il y en a parmi eux qui sont dans le péché, qui sont dans les bid'ah, qui sont dans toutes sortes de choses. Donc dans ce cas-là, il faut vérifier. Il faut vérifier la situation et l'état de la personne en question. Et justement, à ce sujet-là, on a posé la question au Cheikh Zayd Al-Madkhali. Est-ce qu'on doit donner le bénéfice du doute à tout musulman? Et il a répondu à ce sujet-là que ça dépend. Il faut voir la situation de la personne. Si c'est une personne qui est connue comme étant une personne méticuleuse dans la sunna, parmi les ulama ou parmi les imams ou parmi les gens qui sont connus comme étant des gens méticuleuses dans le fait de vouloir vraiment suivre la vérité et suivre la sunna, et que cette personne dit une parole qui est une parole ambiguë, c'est-à-dire une parole qui peut impliquer quelque chose de vrai et quelque chose de faux en même temps. C'est-à-dire sa parole n'est pas claire. Qu'est-ce qu'on doit penser par rapport à cette personne-là? Eh bien, il dit, si c'est une personne qui est connue comme étant une personne sur la sunna, on doit lui demander de clarifier qu'est-ce qu'elle veut dire par cette parole. Puis, on l'excuse par rapport à cette parole qu'elle a dit, que cette personne a prononcée ou dite, qui est ambiguë. Parce qu'on sait que cette personne-là, la règle générale chez lui, c'est qu'il suit la sunna et qu'il est toujours sur la sunna. Donc, celui-là, on va lui demander, on va l'excuser, puis on va lui demander de clarifier ce qu'il voulait dire pour que les choses soient claires, puis éliminer les doutes. Toutefois, si c'est une personne qui est connue comme étant sur la bid'ah et qu'elle a l'habitude de toujours dire des choses qui sont ambiguës, et clair et pas clair pour mélanger les gens, alors dans ce cas-là, la règle, c'est que on ne va pas leur donner le bénéfice du doute et on va pas les excuser pour cette parole qui est ambiguë, puisque c'est la règle chez eux, hein, et que c'est des gens qui sont connus comme étant des gens qui sont pas sûrs la vérité. Donc c'est juste un point en passant à ce sujet-là. Et même Cheikh Al-Fawzan aussi, quand on lui a posé la question à ce sujet-là, il a expliqué par rapport à la religion et l'enseignement et les choses de ce genre, c'est que la règle à la base, c'est pas que la personne est juste et honnête. On doit vérifier de qui on prend la religion et de qui on accepte les informations à ce sujet-là. Donc c'était juste un point que je voulais clarifier en passant pour pas qu'il y ait d'ambiguïté à ce sujet. Il dit ensuite « وَقِصَّةُ الْإِفْكِ الْكَذِبِ فيها ظاهر جدا لأنه لا يمكن أن تكون زوجة نبي الله صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف لأن الله لا يختار لنبيه إلا الطيبات كما قال تعالى الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات الطيبون للطيبين الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ. Le cheikh, il dit, le mensonge, ce genre de mensonge et de calomnie était évident. C'était évident que c'était un mensonge et une calomnie. C'était très clair que ce n'était pas vrai. Parce que ce n'est pas possible que l'épouse du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, soit de cette façon-là. Puisque Allah a choisi pour son prophète que les meilleurs d'entre les femmes. Comme il le mentionne dans Surat An-Nur, le verset 26, il dit que les mauvaises femmes sont pour les mauvais hommes, et que les mauvais hommes sont pour les mauvaises femmes, et que les bonnes femmes sont pour les bons hommes, et que les bons hommes sont pour les bonnes femmes. Ceux-là sont innocents de ce que ces gens-là disent, et ils auront un pardon et une subsistance généreuse. Et il dit ensuite فَالْكَذِبُ فِي قِصَّةِ الْإِفْكِ فِي قِصَّةِ الْإِفْكِ ظَاهِرٌ وَلِهَذَا يَقُولُ اللَّهُ لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتَ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا. Les croyants et les croyantes, Allah dit, pourquoi lorsque les hommes et les femmes parmi les croyants et les croyantes n'ont-ils pas pensé du bien en eux-mêmes à propos de ces femmes et de cette femme et de qu'est-ce qui est arrivé de ce sahabi aussi. C'est-à-dire que c'était tellement évident que le musulman, lorsqu'il entend ça, tout de suite dans sa tête, il dit une chose. C'est impossible. C'est impossible. Parce qu'il sait que cette chose-là, c'est évident. Que ça ne peut pas être vrai. Et que ça peut seulement sortir d'un cœur qui est malade. Personne qui est mauvaise, ou quelqu'un qui s'est laissé tromper. Et égaré dans cette question-là. Il dit قيل معناها أن نفوس المؤمنين كالنفس الواحدة إذا سمعت في أخيك شائعة فاعتبر هذا كأنه فيك أنت لأن المسلمين أمة واحدة وجسد واحد. Donc le cheikh il dit ici, certains ont dit que la signification de ce verset-là, c'est que les âmes des croyants sont comme une seule âme. Si quelqu'un entend, si tu entends à propos de ton frère une rumeur, considère-la comme si elle était à ton sujet à toi. Parce que les musulmans sont une seule umma et comme un seul corps. Donc ça c'est un exemple. Il dit « Wa kama fi qawlihi wa la taqtulu anfusakum » Yani la yaqtul ba'duna ba'dan. قال تعالى فسلموا على أنفسكم. Donc il donne des exemples avec d'autres versets. Allah subhanahu wa ta'ala dit par exemple ne vous tuez pas vous-même, c'est-à-dire ne vous tuez pas les uns les autres. Et dans un autre verset, alors passez le salam sur vous-même, en voulant dire les uns les autres. يعني يسلم بعضكم على بعض فاعتبر المؤمنين كالنفس الواحدة. Donc il a considéré les musulmans comme étant une seule personne. Tous les musulmans, c'est comme une seule personne. Et c'est comme ça qu'on doit être. وَقِيلَ مَعْنَاهُ وَاللَّهُ أَعْلَمْ إِذَا سَمِعَ الْمُؤْمِنُونَ إِذَا سَمِعَ الْمُؤْمِنُ هَذِهِ الشَّائِعَةَ فَلْيُطَبِّقْهَا عَلَى نَفْسِهِ هَلْ يَرْضَى لِنَفْسِهِ أَنْ يُقَالَ فِيهَا هَذَا وَهَلْ تَرْضَى أَنْ يُلَطَّخْ عِرْضُكْ وَأَنْتَ تُتَّهَمْ بِالْإِفْكِ وأنت لا ترضى هذا لنفسك فكيف ترضاه لغيرك من إخوانك المسلمين هذا بالنسبة لأعراض المسلمين ويجب أن تصان وأن تصدق فيها وأن لا تصدق فيها الشائعات والأخبار من غير تثبت، حتى لو ثبت أن مسلما صدرت منه جريمة أو وقع في جريمة فعلا، فإنه يجب الستر عليه وعدم إشاعة ذلك بين الناس، لأن المسلمين كالجسد الواحد، فكيف والخبر كله كذب وكله بهتان. Donc le cheikh il dit donc que les musulmans sont comme un seul corps, doivent être comme une seule âme. D'autres ont mentionné que sa signification, il dit Allahu a'lam, Allah sait mieux, que lorsque le musulman entend ce genre de rumeur, eh bien il doit l'appliquer à lui-même, comme si c'était à lui que c'était lancé cette rumeur-là. Et il ne doit pas être satisfait donc de cette rumeur-là, parce qu'il ne serait pas satisfait qu'on dise ça à son sujet. Et toi, est-ce que tu aimerais qu'on attaque ton honneur de cette façon-là? Donc si tu ne l'aimes pas pour toi-même, alors tu ne dois pas être satisfait de ce genre de choses-là pour les autres parmi les musulmans. Et ça, c'est par rapport à l'honneur des musulmans. Il faut la préserver. Et on ne doit pas croire les rumeurs et les choses de ce genre qui sont propagées, et les informations qui sont propagées de cette façon par rapport à un musulman. Et même si un crime a réellement été commis par un musulman dans ces questions-là qui ont rapport à l'honneur, et que c'est réellement quelque chose que cette personne-là avait commis, il serait obligatoire de couvrir cette personne. De couvrir cette personne et de ne pas diffuser ou faire connaître son péché parmi les gens. Parce que les musulmans sont comme un seul corps. Donc ça, c'est dans le cas que la chose est vraie. Donc imaginez si l'affaire est fausse, c'est encore plus grave, et tout ça c'est de la calomnie. Donc ça c'est par rapport à la deuxième cause de division. Maintenant on va parler de la troisième cause parmi les causes de division, et ça c'est quelque chose qui a rapport avec qu'est-ce qu'on peut constater ou voir partout, soit dans les pays non musulmans et dans les pays musulmans aussi. Le cheikh il dit ثالثاً تنقص المسلم الذي هو دون الإفك لا يجوز. Il dit تنقص المسلم وسوء الظن. Donc de rabaisser le musulman et d'avoir des mauvaises pensées sur le musulman. Il dit ça c'est pas permis. Allah subhanahu wa ta'ala dit, le cheikh il mentionne ce verset-là, il dit قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أن يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. هذا كله نهي عن تنقص المسلمين وعن استماع من يتنقصهم بالغيبة أو النميمة أو غير ذلك، ولهذا حرم الله جل وعلا الغيبة فقال سبحانه ولا يغتب بعضكم بعضا. Le cheikh il mentionne ce verset dans sourate al-Hujurat, le verset 11 et 12. Et ça c'est quelque chose qui est très important, et que c'est le musulman doit faire attention entre les musulmans et en particulier entre les salafis, musulmans qui suivent la voie des salafs et qui font des efforts pour s'accrocher à la sunna, parce que ça peut être la cause de beaucoup de divisions entre eux. Le cheikh il dit il n'est pas permis de penser du mal de son frère, il n'est pas permis de penser du mal de son frère musulman. Allah subhanahu wa ta'ala il dit ô vous qui avez cru, ne vous moquez pas d'un peuple ou d'un groupe, qu'un groupe d'entre vous qu'une partie d'entre vous ne se moque pas d'un autre. Peut-être qu'ils sont meilleurs qu'eux. Et que des femmes ne se moquent pas d'autres femmes. Peut-être qu'elles sont meilleures qu'elles. Et ne vous lancez pas des ne vous moquez pas les uns des autres, ne vous raillez pas les uns des autres, et ne vous lancez pas non plus des surnoms moqueurs ou des sobriquets pour vous dénigrer les uns les autres. Hein. Le pire des noms, c'est la perversité après la foi. Et il dit, celui qui ne se repent pas de ça, alors ceux-là sont les injustes. Ensuite, il dit, oh vous qui avez cru, écartez-vous beaucoup de la suspicion. Parce que certaines formes de suspicion sont un péché. Et ne faites pas non plus d'espionnage les uns des autres. Et ne parlez pas ou ne mangez pas la chair de l'autre. Plutôt, al-riba, qu'est-ce que ça veut dire? C'est de parler dans le dos les uns des autres. C'est-à-dire, ne parlez pas dans le dos les uns des autres. Est-ce que l'un d'entre vous aimerait manger la chair de son frère mort? Hein? Vous auriez détesté cette chose? Alors craignez Allah. Hein? Et craignez Allah. Et certes, Allah est celui qui accepte la repentance et miséricordieux. Donc ça, c'est des paroles. Le cheikh dit ça, c'est des interdictions pour le musulman de réduire ou de rabaisser un autre musulman. Ou d'écouter quelqu'un qui va rabaisser un autre musulman ou qui va répandre à son sujet des rumeurs ou des fausses paroles, hein, des mensonges. Hein. Et ça, c'est quelque chose que Allah a interdit, qu'est-ce qu'on appelle al-riba. Voilà, yartab ba'dukum ba'da. Le cheikh dit ta'rif al-riba. C'est quoi la définition de al-riba? Le cheikh dit al-riba kama bayyanahu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam haythu qal atadruna ma al-riba? قالوا الله ورسوله أعلم قال ذكرك أخاك بما يكره قيل أفرأيت إن كان في أخي ما أقول قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه فقد بهته. Donc Cheikh donne la définition de al-riba en mentionnant le hadith. Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: est-ce que vous savez c'est quoi al-riba? Est-ce que vous savez c'est quoi le fait de parler dans le dos ou bien de faire comme souvent ils le traduisent par la médisance? Est-ce que vous savez qu'est-ce que c'est? Ils ont dit Allah et son messager c'est mieux. Alors il a dit c'est de parler ou de dire de ton frère ce qu'il n'aime pas. Alors les sahaba ont dit que dis-tu si je dis à propos de mon frère et que ce que je dis à son sujet c'est quelque chose qui est un fait, hein, c'est la réalité. Il a réellement ce que je dis à son sujet. Il dit, si c'est réellement un fait, alors dans ce cas-là, tu as parlé dans son dos. Et si ce que tu dis est faux, alors dans ce cas-là, tu l'as calomnié. Tu l'as calomnié. Donc, ça c'est le fait de que les gens se parlent dans le dos d'un des autres. Un parle dans le dos de l'autre. Parmi les musulmans, de façon générale, hein, ça c'est haram. Ça fait partie des grands péchés, parmi les kaba'ir. Donc imaginez si quelqu'un parle dans le dos des ulama. Ça c'est encore plus grave. Hein? Et si quelqu'un parle dans le dos des dirigeants de la Oum, qui sont au pouvoir dans les pays musulmans, ça c'est encore plus grave. Pourquoi? Parce que ces gens-là ont un respect et ils ont une responsabilité face aux musulmans. Donc si toi tu t'en vas parler dans le dos des ulama comme le font les gens, hein, des gamins, eh bien les gens vont perdre la confiance en eux par la suite, ils vont plus vouloir les écouter, hein? Et c'est ça que font les gens de bid'ah, les hisbiyin. Ils parlent dans le dos des ulama pour faire tomber les ulama dans les yeux des jeunes et des vieux. Et par la suite, se substituer à eux. Pour dire, revenez vers nous, vers nous. Au lieu d'aller vers les ulama. Hein? Et envers les dirigeants, c'est la même chose. Et, ta'rif al-namima. Al-namima, c'est quoi? Le cheikh dit, هي نقل الحديث بين الناس على وجه الإفساد بينهم. يقول الله سبحانه وتعالى ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. وأشد ذلك كله الذي يسعى بين طلبة العلم وبين الدعاة من أجل إفساد ما بينهم ومن أجل التشتيت أو تشتيت الجماعة المسلمة ومن أجل أن يحقد بعضهم على بعض. الذي يفعل هذا نمام، وقد نهى الله عن تصديقه وعن طاعته حتى ولو حلف بقوله سبحانه ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. Le Cheikh il dit que un namima c'est quoi? C'est de transmettre des informations ou des rumeurs entre les gens à propos de quelque chose. Tu mentionnes une parole à propos de quelqu'un dans le but de faire du désordre, dans le but de faire de la corruption entre les gens, dans le but de salir de nuire aux relations qui existent entre les gens. Hein? Et souvent ces choses-là se font derrière le dos. Souvent ces choses-là se font derrière le dos. Les gens vont dire à d'autres personnes des choses contre une autre personne pour lui nuire, pour lui faire du tort, ou bien pour ruiner sa réputation, ou des choses de ce genre. Et le Cheikh, il mentionne le verset 10 et 11. Hein, il dit, et n'obéis pas à toute personne qui... le verset 10 et 11 dans Surat Al-Qalam, ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. Je ne me souviens plus exactement de la traduction de la première partie, mais c'est pour dire la personne qui marche et qui répand des fausses rumeurs. Hein. Et il dit, pire encore, celui qui va propager entre les étudiants en sciences islamiques et entre les gens qui font la da'wah et même parfois entre les ulama des informations pour essayer de corrompre la relation qu'ils ont entre eux et pour diviser les musulmans, hein, dans le but qu'il y ait de la haine entre eux. Et ça, il y a beaucoup de gens parmi les ignorants, parmi les égarés, parmi les gens de bid'a ou autres qui ont essayé de faire ce genre de choses-là. Qui vont voir un cheikh ou un alim qui lui disent la parole d'un autre cheikh ou qui lui posent une question et qui vont faire entendre cette parole-là à un autre pour créer des conflits entre les chouyoukh et les ulama. On a vu des gens qui ont essayé de faire des choses comme ça. Et ça, c'est quelque chose qui est grave. La personne qui fait ça, c'est un nammam. Et pire encore s'ils le font aussi entre les tullab ilm. Hein, parmi les tullab ilm aussi. Ça crée de l'animosité, de la haine, de la rancune, hein, entre eux. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas permis. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, قال النبي صلى الله عليه وسلم, لا يدخل الجنة نمام. C'est la personne qui est un nammam, elle ne rentre pas au paradis. Hein. Tout ça, c'est des exemples pour montrer la gravité de ce sujet-là. Le cheikh il dit, وَفِي الْأَثَرْ أَنَّ النَّمَّامْ يُفْسِدُ فِي سَعَ مَا يُفْسِدُهُ السَّاحِرُ فِي سَنَةً وَالنَّمِيمَ مِنَ السِّحْرِ لِأَنَّ السِّحْرِ يُفْسِدُ بَيْنَ النَّاسِ وَيُقِعُ الْعَدَاوَ بَيْنَ النَّاسِ كَمَا قَالَ تَعَالَى فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. يعني السحر فالسحر يفرق بين القلوب ويحدث البغضاء وكذلك النميمة وهي أشد من السحر ربما تقوم حروب طاحنة بسبب النمام وربما يتفرق المسلمون ويتباغضون بسبب نمام بسبب نمام والجيران يتقاطعون وربما أهل البيت الواحد يتباغضون ويتفرقون بسبب نمام. فعلينا أن نتقي الله عز وجل ونحذر من النمامين. Le Cheikh il dit que l'effet de la personne qui fait la médisance ou la propagation des informations comme ça pour corrompre entre les gens, le mal qu'il fait, il peut faire plus de mal en une heure par rapport à qu'est-ce que le sorcier peut faire comme corruption en une année complète. Hein, ça veut dire le sorcier pendant une année il fait du tort, il fait de la division, il fait des problèmes entre les gens, tandis que celui qui fait un namima en une heure il peut faire la même chose qu'est-ce que le sorcier a fait dans une année au complet. Donc Cheikh il dit que un namima ça fait partie du sihr, Ça fait partie du sihr. Et même le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il a parlé de ça dans le Kitab al-Tawhid. Il a mentionné quelque chose à ce sujet dans le Kitab al-Tawhid. Et pourquoi? Parce que l'an-namima, il a le même effet que le sihr. Et il mentionne le verset 102 dans Surat al-Baqarah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: et ils apprennent de ces deux-là ce qui divise entre un homme et son épouse. Il dit, c'est-à-dire la sorcellerie qui divise entre les cœurs et qui installe, qui fait que l'animosité et la haine s'installent au lieu de l'amour et l'affection, hein, et yani, le rapprochement entre les gens. Donc an-namima, c'est plus dur que la sorcellerie et la magie. Peut-être que même des guerres sont créées par la suite à cause d'une seule personne qui fait partie de ceux qui font an-namima. Et peut-être même que des musulmans vont se diviser, vont se détester, se haïr les uns les autres à cause d'un ami, d'un ammam. Et des voisins vont cesser de se parler. Et les gens même dans la même maison, ils vont commencer à se détester et à se diviser à cause de ça. Donc an-namima, c'est pas des blagues. C'est quelque chose de grave. Et même entre musulmans qui sont sur la voie des salaf al-salih et qui sont salafis, s'il y en a un parmi eux qui fait ça, ça peut créer ces divisions-là entre eux. Même s'ils sont sur le même manhaj, la même aqida. Hein? Et il y a des gens qui ne font pas attention à ça. Et donc ça, c'est très grave. Il va voir un, il dit, l'autre, il a dit ça, il a dit ça, il a dit ça sur toi. Il va voir l'autre, il va dire, l'autre, il a dit ça, il a dit ça, il a dit ça sur toi. Subhanallah, c'est quoi son intention? Pourquoi il fait ça? Est-ce que c'est pour réconcilier entre deux frères salafis ou bien pour créer de la division et pour faire que les choses s'empirent? Hein? Ou bien penser du mal ou des choses comme ça? Donc il faut craindre Allah et il faut avertir les gens contre ceux qui font ça. Parce que c'est dangereux, yani, subhanallah. Il y a des gens qui sont spécialistes là-dedans. Ils ont une information, ils disent une partie de l'information à une personne et ils cachent le reste. Et il va voir une autre personne, il lui dit l'autre partie de l'information, mais il cache la première partie. Et il dit à chaque personne une chose qui est différente de ce qu'il a dit à l'autre. Hein? Et donc les gens commencent à penser que cette personne-là, donc, elles lui font confiance à cette personne. Ils pensent que c'est une personne qui est véridique, qui est honnête. Mais elle ne fait que déformer la réalité ou elle dit pas nécessairement un mensonge. Sauf qu'elle dit pas toute la vérité complète. Elle dit juste une partie de la vérité qui fait son affaire. Pour, justement, arriver à obtenir qu'est-ce qu'elle veut de cette personne-là. Puis à l'autre personne, elle agit de la même manière, mais elle va dire quelque chose de différent. Ou qui est une partie seulement de l'information. Donc le cheikh, il mentionne plein de hadiths à ce sujet-là. Puis il y a d'autres preuves à ce sujet-là. Il y en a parmi les textes du Coran et de la Sunna qui sont mentionnés dans le Coran à propos de ceux qui sont qui écoutent ceux qui propagent le an-namima aussi, ou bien qui propagent des fausses rumeurs ou des mensonges sur les gens. Des fois, tu peux voir que ces gens-là vont faire en sorte que des gens sont ruinés dans leur réputation. Puis le malheur à ce sujet-là, c'est que la personne ne saura jamais pourquoi. Parce que c'est pas des choses qui sont dites ouvertement. Si quelqu'un se fait accuser de quelque chose publiquement, ouvertement, et qu'on dit à son sujet, lui, il a fait ça, il a dit ça, ou il a fait des choses comme ça, la personne, elle peut se défendre. La personne, elle peut affirmer ou nier qu'est-ce qui est dit et clarifier la situation. Mais si des gens commencent à circuler des informations en secret qui sont fausses à son sujet, puis commencent à dire des choses derrière son dos, et que la personne, elle ne sait même pas qu'est-ce qui est dit à son sujet, elle ne peut même pas se défendre. Elle ne peut même pas clarifier la réalité à ce sujet-là. Et yani, subhanallah, par exemple, il y a un verset, le verset 47 dans Surat al-Tawba. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. Allah subhanahu wa ta'ala dit: et s'ils étaient sortis parmi vous, ils n'auraient fait que vous augmenter en trouble. et il n'aurait fait que créer de la dissension entre vous. Et il ne recherche que la discorde. Hein? Il ne recherche que créer la discorde entre vous. Et parmi vous, il y en a qui les écoutent. Parmi vous, il y en a qui leur prêtent l'oreille. Hein? وَفِيكُمْ سَمَّعُونَ لَهُمْ. Il y en a qui font ça parmi les musulmans, et il y en a parfois qui écoutent les gens qui ne sont pas musulmans. Hein? Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans une autre, dans sourate Al-Ma'idah, « سَمَّعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ. Ils écoutent le mensonge, c'est-à-dire ils croient en qu'est-ce que ces gens-là disent comme mensonge, et ils écoutent même qu'est-ce que disent les gens qui sont d'un autre peuple, c'est-à-dire les juifs. Qu'est-ce qu'ils entendent de la part des koufars, qu'est-ce que les koufars disent à propos de quelque chose, ils vont les croire. Ils vont croire en qu'est-ce qu'ils disent sans même vérifier. Hein? Et juste comme exemple, par exemple, dans les médias, par exemple au Canada, il y a un journaliste qui a dit que moi j'avais accusé les femmes québécoises d'être des prostituées, les femmes canadiennes d'être des prostituées. Et les gens de la mosquée où j'étais imam, ils m'ont, Yannick, comme probablement certains savent, ils m'avaient demandé de laisser la mosquée parce qu'ils ont dit, par exemple, que ça crée de la pression, puis mauvaise réputation, des choses comme ça à la mosquée, ils ne veulent pas des problèmes, donc ils m'ont demandé de laisser la place. D'accord. Et après, plus tard, quand j'ai rencontré un des frères qui est responsable de la mosquée, il a dit, tout ce qui est arrivé, c'était à cause de toi, les problèmes qui sont arrivés, parce que pourquoi t'as dit dans ton livre que les femmes québécoises sont des prostituées, ou les femmes canadiennes sont des prostituées. Je lui ai dit au frère, j'ai dit, est-ce que t'as lu le livre? Il m'a dit non. Il dit, où est-ce que t'as entendu ça? Où est-ce que t'as lu ça? Il a dit, j'ai lu ça dans le journal. Et j'ai dit, subhanallah. J'ai dit, est-ce que si tu l'aurais lu le livre, t'aurais vu que j'ai jamais dit ça nulle part dans mon livre. Ça, c'est eux qui l'ont inventé. Et après, il a dit, mais si c'est pas vrai, pourquoi tu les as pas amenés en cours? Hein? Il dit, subhanallah. D'amener des chaînes de télé, des journaux, ça prend de l'argent si tu veux les amener en cours, et puis c'est des choses qui finissent jamais. Hein? Donc, ils vont dire toutes sortes de choses. Bon, en tout cas, c'est juste pour dire que il y en a qui croient en qu'est-ce que les koufars disent par rapport à contre un musulman sans même vérifier. Hein? Et il y en a parmi les musulmans qui croient en qu'est-ce que d'autres disent parmi les musulmans à propos de quelqu'un d'autre sans vérifier. Et c'est des choses qui sont graves et qui sont dangereuses. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut mentionner entre nous, parmi les frères qui sont sur la voie des salafs, sur le manhaj des salafs, parce que c'est des choses graves. Mais il faut aussi savoir à ce sujet-là qu'on n'est pas en train de dire ça par rapport à la façon dont les gens de Bid'a, et comme les Hezbiyin, sont en train de l'utiliser entre les musulmans. Comme si, par exemple, ils vont aller voir les musulmans et ils vont dire que si on parle contre un Mubtadi'a ou qu'on met en garde contre un Mubtadi'a ou contre un Hezbi, que ça c'est de la médisance. Qu'on est en train de faire de la médisance ou des choses de ce genre. Parce que ça, c'est une catégorie à part. Hein? Et les ulama ont mentionné que c'est permis de parler dans le dos de ces gens-là et de mettre en garde contre eux et d'avertir contre leur bid'a et contre leurs égarements. C'est-à-dire ceux que les savants ont mentionné comme étant des gens de bid'a. Ceux que les ulama ont mentionné comme étant des gens de bid'a et des gens de hezbiya. C'est permis de faire ça à leur sujet. Et celui qui veut savoir à ce sujet-là, il peut retourner, par exemple, au livre Riyad al-Salihin, écrit par l'imam al-Nawawi, le chapitre 256. Et le titre de ce chapitre, c'est quoi? Babu ma yubahu min al-riba. Le chapitre de ce qui est permis de la médisance. Donc, il faut savoir qu'il y a des catégories de ce genre de choses-là, de riba, qui sont permises. Et parmi les exemples qu'il mentionne, hein, il y a le fait de mettre en garde contre un innovateur, pour avertir quelqu'un qui voudrait, par exemple, aller chercher de la science à quelqu'un qui est dans l'égarement. Ça, c'est des choses qui sont connues. Si quelqu'un, tu connais, par exemple, il veut se marier avec une sœur, et toi, tu sais que cette personne-là, c'est quelqu'un qui est mauvais ou qu'il a des problèmes, on te demande ton conseil, c'est obligatoire pour toi de mentionner qu'est-ce qu'il a comme problème, cette personne. Tu ne peux pas le cacher. Si tu le caches, eh bien, tu as caché la vérité à propos de ça et tu vas causer du tort à cette femme. La même chose si tu connais quelqu'un qui veut faire un commerce ou faire des transactions économiques et tu veux, quelqu'un te demande conseil par rapport à cette personne et toi tu caches que cette personne-là c'est un voleur ou que c'est quelqu'un qui trompe ses associés ou des choses de ce genre. C'est obligatoire pour toi de donner la nasiha. Et la même chose si tu sais que quelqu'un est un mubtadi', quelqu'un qui appelle à des bid'a et des choses de ce genre, puis on te demande à son sujet, et que toi tu sais qu'est-ce qu'il a, tu dois avertir contre celui-là et mentionner qu'est-ce qu'il a comme danger, comme égarement, comme innovation, pour préserver tes frères et tes sœurs justement du danger de cet innovateur-là et des innovations qu'il a. Mais qu'est-ce qu'ils font les hezbiyyin? Ils ne mentionnent pas ces choses-là. Et ils ne mentionnent pas les paroles des salafs à propos de ces catégories-là. Et ils n'expliquent pas que ça fait partie de Al-Amru bil Ma'ruf, Wal-Nahyu anil Munkar. Ils n'expliquent pas que ça fait partie de Al-Nasiha, et que ça fait partie de Al-Ta'awun ala al-Birri wa al-Taqwa. Et donc, ils parlent aux musulmans et ils disent: ah, ces gens-là, regardez, ils font Al-Namima. Ils font al-riba et des choses de ce genre, alors que ça n'a rien à voir avec ces catégories-là. Hein? Nous, on parle du fait que des musulmans qui sont sur la sunna et qui commettent le péché de faire qu'est-ce qu'on appelle al-riba ou al-namima en parlant entre eux ou l'un contre l'autre ou en disant des choses qui sont fausses à leur sujet pour ruiner la réputation de l'un ou de l'autre, créer de la division, de la discorde et des problèmes entre eux. Et ça, c'est des choses qui sont mauvaises. Et Cheikh Al-Fawzan, c'est de ça qu'il parle. Parce qu'il parle de la société en Arabie Saoudite où la base chez les gens, c'est le manhaj de Ahl Sunnah wal Jama'a et la aqida du Tawhid et le fait de suivre la Sunnah. Donc il n'est pas en train de parler des parties de bid'a ou des groupes de hezbiya ou des gens de qu'il faut que chacun s'unisse et qu'un ne parle pas contre l'autre dans le sens que on va pas mettre en garde contre l'innovation, contre la bid'a, contre la hezbiya. Non, il faut mettre la parole du cheikh dans son contexte et en fait en général quand c'est des questions qui ont rapport avec le manhaj et la aqida, ceux qui font la division et qui créent les désordres, c'est les hizbiyin. Et c'est eux qui font le plus de namima et qui font le plus de riba entre les musulmans. Surtout au sujet des ulama, au sujet des tulab ilm, au sujet des salafiyin. Et il y en a des musulmans parmi Ahl Sunnah qui sont salafis, qui ne sont pas des gens de bid'a, qui ne sont pas des gens de hizbiya, mais qui sont parmi des gens qui ont des faiblesses dans la foi. Parfois. Et ces gens-là, ils rentrent dans la catégorie parfois de ceux qui font at-tahvil. C'est-à-dire que lorsqu'il y a une situation d'épreuve, parmi les musulmans, parmi les salafiyins, et que c'est le moment de prendre une défense pour la sunna et pour la salafia, parce qu'on est en train d'attaquer la sunna, attaquer la salafia, eux, eh bien, ils disent, écoutez, cette fitna est trop pour nous, ou cette situation est trop dure pour nous, on ne peut plus vous supporter, on ne peut plus vous défendre. Et ils nous abandonnent. Ça, c'est l'exemple de, qu'est-ce que le professeur Hamdi dit dans le hadith. Là, il y a le groupe, le hadith du groupe sauvé. Il dit, « Yani la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina ala al-haq. La yadurruhum man khadalahum ou la man khalafahum. » Donc, par rapport au groupe sauvé, il y a ces deux groupes-là, ces deux attitudes qu'on retrouve. Ceux qui les abandonnent lors des moments d'épreuve et de difficulté, et qui veulent juste être avec eux quand tout va bien, ceux-là, c'est ceux qui font at-tahvil, qui abandonnent les croyants dans les moments de difficulté alors que c'est le temps de défendre la sunna. Et l'autre groupe, c'est ceux qui font, qui opposent, yukhalifuna al-haq. Donc ceux-là, c'est ceux qui opposent les gens de la sunna. Et ces deux groupes-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à leur sujet, ils ne vont pas faire de tort à ce groupe-là. Et ce groupe-là va rester victorieux jusqu'au jour de l'heure. Donc souvent, on voit ce genre d'attitude-là de la part de cette catégorie de gens qui sont des salafis, mais qui ont cette caractéristique-là qu'ils ne sont pas capables de faire face à des situations difficiles. Et que quand les choses commencent à être dures, ils se retirent ou ils t'abandonnent. Alors qu'ils devraient être là en train de te supporter et de te défendre dans cette difficulté, dans cette situation difficile. Donc ça, c'est des exemples. Ensuite, le cheikh, il rentre dans d'autres questions et il parle de al-hajr, le fait de boycotter des musulmans, et dans quel cas c'est permis, dans quel cas c'est pas permis, et les catégories de hajr et ainsi de suite. Sauf qu'on n'a pas le temps de rentrer dans le détail de ce qu'il dit ici à ce sujet-là, parce que le temps de la conférence est terminé. Mais c'était juste donc quand même, qu'est-ce qu'on a mentionné jusqu'à maintenant de cette conférence du cheikh, c'est suffisant pour celui qui cherche à comprendre et à se préserver des shubuhat et se préserver des erreurs et des égarements des hezbiyyin qui veulent faire du tort à ceux qui appellent à la salafia et qui appellent à l'islam. Toute personne qui est sincère et qui cherche réellement la vérité et qui veut vraiment connaître la voie qu'il doit suivre, il doit se rappeler de ça. Et surtout pour les musulmans qui sont ici en Belgique, en particulier, un point que je voudrais noter, c'est que cette société-là ici, d'après ce que j'ai observé, ça ressemble beaucoup à ce qu'on retrouve à Montréal. Dans le sens qu'à Montréal, on voit ça aussi. C'est un pays qui est, d'une certaine façon, plus ouvert sur certains points qu'est-ce qu'on retrouve en France. Dans le sens qu'ils donnent la permission à... ils vont donner la permission aux musulmans d'ouvrir des mosquées plus facilement que dans d'autres pays. Comme en France, par exemple, c'est beaucoup plus difficile. Et au Canada, c'est la même chose. Et qu'est-ce qui arrive, c'est que on va retrouver toutes sortes de tendances. Chaque mosquée, ils ont un manhaj, et tous les groupes qui existent, ils ont leur propre mosquée et ainsi de suite, et ils appellent à leur manhaj et à leur da'wa librement. Et les frères qui sont salafis, qui suivent la salafie, sont minoritaires, il n'y en a pas beaucoup. Et à cause de ça, étant donné qu'il y a tellement de hezbiyin et qu'ils sont tellement bien organisés, que c'est très difficile pour les gens qui sont sur la salafie de faire entendre le message de la salafie et de la vérité. C'est la situation, cette situation-là, on la retrouve également à Montréal. Parce que c'est la même chose. Là-bas, il y a la même chose. Les mosquées, la plupart, c'est entre les mains des Ikhwan et des Sururiya. Et on retrouve de toutes les tendances. Les Tablir, Soufiya, Ahbash, et ainsi de suite. Et les gens de la Sunna, les Salafiyoun, sont minoritaires et sont très peu. Donc, dans des sociétés et dans des situations comme ça, il faut que les Salafis soient encore plus unis, encore plus attachés et accrochés les uns des autres, et qu'ils évitent et qu'ils s'écartent de tous les sujets qui peuvent ramener de la division entre eux. Et toute chose qui ramène de la divergence et des désaccords entre eux, ils doivent le ramener au ulama de Al-Sunna pour les clarifier. Et ils doivent s'asseoir avec les ulama et leur poser leurs questions. Et quand il y a des conflits entre deux frères salafis ou deux, disons, centres salafis ou des choses comme ça, ou des individus, ou que ce soit des groupes parmi les frères qui ont des responsabilités parmi les salafiyins et qu'ils ne sont pas d'accord à propos de certaines questions, qu'ils retournent aux ulama pour avoir le verdict et pour trouver la réponse à leur conflit. Et ne pas laisser les choses traîner pendant des années, ou pendant des mois, ou pendant des années, jusqu'à ce que la relation qu'ils ont entre eux commence à s'envenimer, et que là, par la suite, ils ont de la difficulté à revenir ensemble par la suite. Parce que des fois, même si on est sur le même manhaj ou la même aqida, qu'est-ce qui peut arriver? C'est que si on a vécu trop de mauvaises expériences les uns avec les autres, certains, ils développent de la rancune dans leur cœur, et ils développent de l'animosité dans leur cœur, et par la suite, ils sont plus capables d'oublier et de laisser passer qu'est-ce qui s'est passé. Ça reste dans leur cœur, et ça fait en sorte que la situation ne peut pas s'arranger par la suite. Alors que ce n'est pas nécessaire que ce soit comme ça. Et si vous regardez, par exemple, d'autres endroits dans les pays non musulmans où il y a des groupes ou des associations de frères salafis qui sont plus uniques et qui ont plus de force et qui ont plus de poids dans leur da'wah, vous allez remarquer comme par exemple à Birmingham, les frères en Angleterre, ils ont des problèmes. Tout le monde a des problèmes. Mais ils retournent aux ulama et ils s'assoient avec eux. Et ils leur demandent de clarifier les questions. Et s'ils ont un problème à propos de quelqu'un, un individu, soit un da'ya ou un cheikh ou quoi, et ils ne sont pas d'accord à son sujet, ils retournent aux ulama. S'il y a quelqu'un parmi eux, que ce soit un talib ilm ou quelqu'un qui se présente, qui veut par exemple prêcher ou enseigner ou des choses comme ça, et qu'eux ils ne sont pas d'accord sur lui, ils retournent aux ulama. Ils disent, est-ce qu'on peut le prendre comme professeur? Est-ce qu'on peut prendre de lui? Est-ce que on peut collaborer avec lui ou avec eux, ou ainsi de suite? Et il doit y avoir ces relations et cette relation et cette attitude entre les frères salafis de s'aimer les uns les autres dans la vérité, de s'entraider les uns les autres dans la vérité, de collaborer les uns les autres dans la vérité. Il y a beaucoup de frères qui m'ont dit que certaines personnes, quand ils veulent faire des activités, par exemple pour aider la salafia ou faire venir des machaires ou faire revenir des toulab ilm pour organiser des cours et des choses de ce genre, que il y en a pas beaucoup qui aident financièrement. Il y en a pas beaucoup qui, wa alaykoum salam wa rahmatullah, pour différentes raisons. Bien, sachez que la da'wa salafia, elle pourra jamais se propager si les frères ils vont pas dépenser. Même à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les sahaba, ils ont dépensé. Fisabilillah. Abu Bakr, il a donné toute sa richesse pour la cause d'Allah. Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, il a donné la moitié de ce qu'il avait pour la cause d'Allah. Donc il faut qu'il y ait de l'argent. La da'wah, ça ne peut pas fonctionner sans l'argent. Et ça, les frères de l'Angleterre, les frères des États-Unis, les frères du Canada, à Toronto par exemple, ils ont tous compris ça. Et on voit le résultat de ça. C'est-à-dire, premièrement, comme je vous ai dit, et ça c'est avec ça que je vais terminer, al-ilm, al-ilm, al-ilm. La science, la science, la science. Il faut que des frères partent étudier. Si vous êtes accepté, vous rentrez dans les conditions pour être accepté dans une université islamique en Arabie Saoudite, et que vous êtes capable d'y aller, allez-y. Si vous n'êtes pas capable d'y aller, il y a des endroits en Égypte où vous pouvez aller pour apprendre l'arabe. Vous partez là-bas, vous étudiez l'arabe le temps que vous êtes capable. Et après, si vous êtes capable par la suite d'aller au Yémen, il y a plusieurs centres qui sont tenus par les ulama là-bas. Et vous pouvez étudier l'islam avec eux. Et ils ne vous demandent même pas d'argent. Rien. Et juste avant de venir, il y a un frère que j'ai rencontré. Et mashallah, c'est le frère Shakir. C'est un Canadien d'origine. c'est-à-dire il est converti. Il est converti en 1994. Et après s'être converti, il est parti en Égypte, il a étudié l'arabe, et après il est allé au Yémen, il est resté 15 ans. Il a étudié à l'époque de Cheikh Moukbil, il est resté à Damas pendant 10 ans, et après il est maintenant à Chihr, avec le Cheikh Abdullah Al-Mar'i. Il a étudié là-bas pendant 5 ans. Et yani, depuis que je suis converti à l'islam, je peux dire que j'ai jamais rencontré un frère converti qui a autant de haine que lui. Hein? Et il sort les hadiths d'Al-Bukhari, hein, comme si c'est Al-Fatiha. Et comme s'il l'a mémorisé. Dans le nahw, dans la grammaire arabe, dans le hadith, dans le fiqh, dans le tafsir. Masha'Allah, quand j'étais assis avec le frère à Montréal, parce qu'il est venu visiter ses parents pour quelques temps, et juste les quelques jours que j'ai profité à m'asseoir avec lui, il n'y a pas une minute que j'ai passé assis avec ce frère, excepté que c'était des minutes remplies de choses bénéfiques, et beaucoup de baraka dans le temps avec le frère. Chaque fois, on discute sur une question, il me dit, c'est quoi les arabes de la ilaha illallah? C'est quoi, c'est qui a rapporté tel hadith? C'est quoi le nom de ce narrateur? C'est, il est tout le temps en train de discuter dans l'ilm. Et des questions de ce genre. Et le frère, il nous a expliqué comment il a été au Yémen pour étudier tout ça. Et les parcours qu'il a fait, puis il encourageait les frères à partir. Et moi, je vous dis, les frères, perdez pas votre temps. Franchement, c'est important que vous ayez du ilm. La da'wa salafia, elle est établie sur le ilm. Et c'est le ilm qui fait la distinction entre les salafis et la salafia et les autres. Parce que tous ces gens-là courent après la dunya. Les hizbiyin et les gens de bid'a en général ne courent qu'après la dunya. Mais le sunna, les salafiyoun, ils courent après le ilm. Donc, faites des efforts pour étudier. Vous voyez ici, par exemple, en Belgique, ceux qui sont responsables et qui ont des positions sont des hizbiyin en général. Alors, que si parmi vous il y avait des toulab ilm qui sont forts et bien établis dans la science, les gens seraient obligés de revenir vers vous et ils verraient l'ignorance de ces gens-là tout de suite. Et il n'y aurait pas tous ces conflits et ces désaccords entre vous à propos de n'importe qui. Lorsque quelqu'un de nouveau arrive, vous divisez en deux groupes à cause de lui. Ça, c'est des choses qui ne doivent pas se produire. Hein, entre des frères qui sont sur ce manhaj et sur cette aqida et sur cette compréhension. Donc, que certains d'entre vous, si vous ne pouvez pas tous partir, au moins que certains d'entre vous partent avec l'intention de revenir pour enseigner aux autres et pour établir cette da'wa. Sans le ilm, vous n'allez jamais y arriver. C'est impossible. Il ne peut pas y avoir une da'wa salafia puis que les gens qui sont à la tête de cette da'wa, ils n'ont pas d'ilm. Hein? Donc ça, c'est très très important. Et donc moi, je vous donne ce conseil là parce que vous savez la situation, qu'est-ce qui se passe ici en Belgique, vous connaissez la réalité de qu'est-ce qui se passe ici en Belgique, vous voulez que les choses changent, prenez les causes nécessaires et vous asseyez pas devant quelqu'un. Excepté que c'est une personne qui est connue par les ulama, que vous savez que les ulama recommandent cette personne. Pas juste comme ça, quelqu'un qui parle arabe ou qui connaît un peu l'arabe il sait parler dans les termes de la science, et puis automatiquement vous le prenez comme une référence et que vous asseyez avec lui et vous prenez de lui, et après vous allez vous diviser à propos de sa personne par la suite. Ça, c'est pas correct. Prenez, avant de prendre de quelqu'un, demandez aux hommes de science, demandez aux ulama, et ça va vous éviter par la suite d'avoir des divisions et des conflits entre vous pour ça. C'est très important. Et qu'est-ce que je pourrais encore vous donner comme conseil, Yanni? Faites des efforts pour... Yanni, si vous n'êtes pas capable, donc, il y a beaucoup de problèmes autres, en dehors de ça, comme les difficultés que le musulman y vit ici. S'il peut faire la hijra, il quitte, il va dans un pays musulman pour s'installer. Et quand il part en même temps, s'il peut étudier l'ilm, ça c'est la priorité. Et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, et on va terminer avec ce hadith, من سلك طريقا يلتبس به علما سهل الله له به طريقا الى الجنه. Celui qui prend un chemin dans lequel il va chercher de la science, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala va lui faciliter par cela un chemin vers le paradis. Donc celui qui part chercher la science, eh bien il part en premier pour se sauver lui-même, et ensuite pour aider ses frères et ses sœurs qui ont besoin de cette science-là. Donc on va s'arrêter sur ça, inshallah. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Et notre frère, il a ramené des shbakiyas. Donc, vous allez, Inch'Allah, pouvoir... Non, ça va, alhamdulillah. Donc, allez, venez prendre une shbakiyas, Inch'Allah. Et puis, alhamdulillah, rabbil alameen.